MPD, je viens de péter, rien laisser, la baiser, ne pas rêver, RDV sur Saturne. La fierté, l'honnêteté, l'amitié, éviter la pitié, je vends la mort à la pub. Elle est bonne, faut qu'elle paye en nature. Elle est pure, la feuille est sans rature. Pas majeure, mais sa bouche est mature. Le shit bulle, les poules scolent mature. Wesh, l'alien est cailleux, t'es faillant, t'es tailleux. Dis-moi, c'est quand tu sors le cahier. Ouais, la hyène se lâche, fait la chienne se cache. Et plus tard, s'arrange comme Aïen. Des talons qui sortent de la gova. Des bras mecs qui manient le cobra. Igon sort la langue comme Mani. Love, Sosa, oui, ma connasse. Tiens, goûte la teuf à Adama. Conchance, mon taga jusqu'en Alabama. Ma punch dans ta gorge, la gorge à ta fama. Viens voir la souffrance, te dire voilà pas mal. Igon, je suis sauvage et j'cris Unga Wawa. Unga, Unga, le G sur la poucave. Unga, Unga, nigga, wawa, wawa. Unga, Unga, tant qu'on fout pas le tawa. J'sais que j'suis pas intégré, j'suis pas de mes intérêts. Les mains dans la merde alors qu'elles sont faites pour les enterrer. J'sais combien tu paierais pour te faire opérer. De tout ce mal qui paraît, c'est fort et qui semble empirer. Viens voir et j'te dirai le prix de la fonce. TTT, c'est t'as appris à compter, TTT. On sera mis en chant, TTT. Moi c'est AD, moi c'est AD, Ray. Sans la taille, vas-y claque le jour de paix. J'veux pas ton Facebook. C'est que j'ai ma main sur ta fesse. C'est limpide, ouais, c'est deux, c'est violent, c'est 9-1. On arrive, y'a de la peuf au volant, y'a de la meuf. Elle t'a brisé le cœur, fallait briser sa chatte. Tire au gosse à sa reuse, fais la bise à papa. Papa, papa, ma haine qui te ken, champolo, la rage soit au triceps. Bla bla bla bla, tu t'écartes, tu te perds en direction du haut, les cassos te viscères. L'espoir dans le coffre, la chance dans la cave. Pardonnez-moi, mais nos sorts sont macabres. Dis-moi si j'ai tort ou si je rappe la tête pas. Obscuré la force, le Jedi est Habat. 9-4, c'est Barça. 9-1, c'est Brésil. 9-1, c'est Brésil. Qu'on a va dire à guéri. Sinon, à part ça, viens t'es pressé. Bien t'es pressé. Non parce que ça va pas terrible. Parce que je suis seul dans ma tête. C'est la rage qui m'a élevé à JP Craft dans la tête. Et que mon caleçon n'est pas en LVA. Faut que tu liquides, je laisse pas couler une lame. Pas une, pas une, pas une. Fais bel écho femme, fais bel écho pute. Fais bel écho paluche, paluche, paluche. T'sais qu'on est vif, donc fais pas l'imbécile. On se vide pas la vessie, un muche dans les WC. Oui, on veut la belle vie, embarqué sur ferry. Si t'as chez tout des litres, assis mon café. Signe, tu décolles, j'atterris. Bientôt je côtoie tes riches. La poudre dans la narine, César fait la vessie. Je l'ai ken à mercredi, l'amène pas à la mairie. Tu l'appelles ma chérie, je lui mettais la fessée. Viens, je te donne RDV, je suis de Paris, je suis pressé. Ego, je vois tellement de chaînes, je mets une laisse sur le PC. Je mets une laisse sur le PC, je prends le game en PV. Le rap est mort, je te déterre pour le réenterrer. Pour le réenterrer. Ma drogue dans le cabana. Aux arrivants avec mon cabana. Je sors ma de mon cabana. Ton oseille dans la poche de mon cabana. Je fais l'amour à la haisse dans l'allée. Elle se rhabille, je me retourne. Bismillah à l'allée. Bismillah au retour. Serre le trou de balle à la douane. On déballe et taille des redois. Dans mes yeux c'est le vide, mon âme est perchée sur le toit. Je vois l'espoir dans les yeux des petits machallah. Ça sent le rêve. Une sale envie de décharger. On vit, on s'égare, on crève. Ouais pas de vie sociale. Juste une vie de cas sociale. Le rap dans un local. Va foutre ta chenec au sale. Tantôt je tue le temps, tantôt c'est le temps qui me kill. Je me sens mutant, tant différent dans la file. Ouais je suis bon qu'à compter. Un joint de peu sur les lèvres. Allez fuck ma bonté. Avec ça fuck mes rêves. Fuck tout ce que je fais charbonner. Tous les mêmes, tous clonés. 6 du mat détrôné, redessiné ce qui est gommé. Compère, sa capote ne savent plus. Sur quel genou danser. Sur quel genou danser. Arrêtez-moi la diff. Peace and love et kiff. Tout pour la mif. Tout pour le bif. Les sentiments, ça ralentit. Le cœur fermé, là je suis à fond. Tu plaides plus haut que ton cul on. Mon ton cul touche, touche le plafond. On tire sur la laisse ta voix. On détache, tu perds la voix. Nous c'est les gentils armés, cramés. Conscients qu'on perd la foi. Wesh, à grand dernier kill. Pas demain, pas maintenant. J'te fais danser avec l'oseille. À chaque billet, un nouveau battement. J'tag junkie potentiel. J'en fais un lien fidèle. Des loups qui fixent la lune. Moi, être meilleur ami d'elle. Chez nous, on partage la hesse. Le cul de la haut dans la caisse. Casse un tour long et la laisse. Mon arche, tu connais l'adresse. Le temps d'un clignement, les gens changent. Moi, je change en retrouvant la vue. Donc, une poche, on est dépendant. Là, j'suis fonce en retrouvant la fume. Ils ont les photos, plus les souvenirs. On a les souvenirs, plus les photos. Ouais, on a même plus les poteaux. C'est chacun son béné, son auto. Un gros fer s'armer. J'amène la misère en balade. Une balle pour chaque ennemi de mon frère. Ça fait clic à la garette. Un putain de bif. La mif, une ride en moi sur le front de mon père. Un putain de bif, la mif, un sourire en plus au visage de mon frère. Le dos large, le cœur étroit. Le carré 3. Ta relation sur une pesette, si t'écoutes pas, madame est froide. Ce soir j'entre pas à la maison. Les portes se ferment et puis ne s'ouvriront qu'à la prochaine saison. La misère dans un SLR, rentrer, tourner, sortir ses lèvres. La vie me donne son cul, j'connais pas le goût de ses lèvres.